découragé. Assailli par le doute, qui ne sait plus quoi espérer, ne sait plus où tu en es né. Toi qui ignores où tu vas, qui commences à baisser les bras. Tu es découragé, assailli.